tout changé depuis sa venue. Sans me l'avouer, je me sens perdu. Avant, l'amour n'était rien qu'un mot qui n'engage à rien. D'un cœur à l'autre jamais. Changer et je dis adieu à ma vie passée.